Même si on reste à rien, ref, demain fera le reste. Et fait le bien, ne serait-ce qu'un zeste. On regrette trop souvent, on peste. Quand t'as tout fait, à part l'espoir, y'a plus rien qui reste. Même si on reste à rien, ref, demain fera le reste. Et fait le bien, ne serait-ce qu'un zeste. On regrette trop souvent, on peste. Quand t'as tout fait, à part l'espoir, y'a plus rien qui reste. D'abord il faut penser, c'est plaire, repenser. Trop de gens le négligent, la parole devient vice. Et s'ils parlent, crachent et critiquent, demande-toi pourquoi. Quelque part tous victimes, l'image qu'on donne de soi. Même si les mêmes mecs sur les mêmes bancs, toujours pareil, la flamme c'est fini. On vit pas juste, on essaie de vivre. Jeunesse gâchée, la misère nous rend ivre. Minimum, la poisse nous colle, on rêve de maximum. Réussir dans le rap pour certains de nous, c'est ça le summum. Sortir de la rue, j'essaie d'être pour ma mère une fierté. Imaginez le tableau si demain on réussissait. Je sais que beaucoup de frères comprennent bien ce que je dis. Mec, bien, on sait que l'argent salit. Ha ha. Wesh, yeah. Même si on reste à rien, ref, demain fera le reste. T'es fait le bien, ne serait-ce qu'un zeste. On regrette trop souvent, on peste. Quand t'as tout fait, à part l'espoir, y'a plus rien qui reste. Même si on reste à rien, ref, demain fera le reste. T'es fait le bien, ne serait-ce qu'un zeste. On regrette trop souvent, on peste. Quand t'as tout fait, à part l'espoir, y'a plus rien qui reste. Maintenant j'ai appris, compris, fais comme moi. Agis, s'il y a problème, y'a solution, rien ne se résout par magie. Mon frère et moi, le matin, on se battait, mais le soir, on riait. J'aurais voulu que de cette époque, rien n'ait changé. Culotte courte, rangée, innocence volée. Acte 20, accessoire, sans lendemain, sortir chaque soir. Quête du bonheur, on s'aime griser, récolte le malheur. Notre vie, un étui vide, hommes et femmes font du rentre-dedans. Plus de morale, plus de pourquoi, de comment. Y'a que les ignorants qui disent Abdelmalik qui prend la tête celui-là. J'ai de l'amour pour eux, ils ont grandi comme moi. Quand je pense aux jaloux, ça sert à rien d'envier notre vie, notre parole, nos musiques. En France on n'est pas compris. Je suis pas une superstar, hip-hop, Zulu, plein de mailles de Paris. Juste un mec, Sam Dieu, NAP ma vie. Yeah, Malik. Même si on reste à rien, ref, demain fera le reste. Et fait bien, ne serait-ce qu'un zeste. On regrette trop souvent, on peste. Quand t'as tout fait, à part l'espoir, y'a plus rien qui reste. Même si on reste à rien, ref, demain fera le reste. Et fait bien, ne serait-ce qu'un zeste. On regrette trop souvent, on peste. Quand t'as tout fait, à part l'espoir, y'a plus rien qui reste. Même si on reste à rien, ref, demain fera le reste. T'es fait le bien, ne serait-ce qu'un zeste. On regrette trop souvent, on peste. Quand t'as tout fait, à part l'espoir, y'a plus rien qui reste. Rien du tout qui reste, rien du tout qui reste. Parce que, pour cause, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait que les choses changent. Dieu qui fait que les choses changent. Y'a plus rien qui reste. Beaucoup de choses ont changé, les barbes remplacent le duvet. Peu d'entre nous réfléchissent, c'est ça la vie de la thèse. J'aurais voulu changer, changer de destinée. En connaissance de la rue, je dis chut à ceux qui se mêlent nos versa. Beaucoup comme Jean, j'en claqué, le rien fait exagérer. La vie qu'on mène est vilaine, mais c'est nous du bateau le capitaine. Le fil s'est rompu, y'a plus de respect, je le sais. Inacceptable ce que j'ai vu, prends-en conscience. Ref, au fond partout c'est pareil, de vitrioneur. Histoire de racaille, c'est pour ça qu'on parle rough. J'y crois pas que ma jeunesse fasse ça. 16 ans, ils se calment, pourraient vendre leur âme. Tu sais comment c'est le tiers cas. La rue te brise, avant te grise. Comme un jeu de chez Nintendo. Mais gardez espoir, fais comme nous, il faut croire. J'dis merci à mes frères, y'a grâce à Dieu, on est toujours là. Yeah. Payback, high skills. Yeah. La vie spirituelle du musulman est un entretien avec Dieu. C'est un rapport constant qui se forge heure après heure, jour après jour, année après année dans la relation avec Dieu. Et à cet égard, la prière est un moment privilégié, puisqu'elle est le moment où le musulman va quitter le monde profane, le monde de sa vie professionnelle, pour se tourner vers Dieu.